Par définition, une agglomération est dense. On ne dispose pas d'un espace ouvert devant soi qui permettrait de rouler à une allure vive. Les intersections, les aménagements divers, les multiples usagers n'autorisent pas à rouler vite. En moyenne, une voiture met 5 minutes pour parcourir 2 km en ville et à vélo, 8 minutes suffisent. Arrivé à destination à vélo, le stationnement est immédiat. Nul besoin de tourner en rond en ronchonnant, en polluant et en perdant du temps. Réponse A et C.